Je me souviens, je me rappelle. C'est dans ces lieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit. Étoiles brillantes dans la nuit. Jouait le vent, alors elle me semblait si belle. Alors moi, j'avais tout le temps dissimulé dans le silence tes sentiments, tes espérances qui montaient plongent sans bruit. Étoiles brillantes dans la nuit. Une croix trop lourde pour moi, un bois qui pèse et me garde-t-elle pourtant, comme j'aimais cette croix. Dissimule dans le silence tes sentiments, tes espérances qui montent et brillent en bruit. Étoile brillante dans la nuit. C'est dans ces lieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Et je me moquais bien du malheur. Je me souviens, je me rappelle. Très doucement jouait le vent. Alors moi, j'avais tout le temps. Alors elle me semblait si belle. Ouais, je me souviens, je me rappelle. Cette croix trop lourde pour moi. Et pourtant, j'aimais tant cette croix. Ce poids qui m'écartèle. Je me souviens, je me rappelle. Je me souviens, je me rappelle. Tendrement la nuit. La nuit qui tombait. Et moi, tendrement, je m'écroulais. J'attendais, je chialais. Je me souviens, je me rappelle. La nuit qui tombe. Et moi qui tombe avec elle. Je me souviens, je me rappelle. Et puis, arqué le Daniel, voûté comme nos aînés, ou un être trop lourdement chargé, se penchant sur les problèmes du monde, son monde, notre monde immonde. Brûlé par tous les bouts, sans tabou, le poète kamikaze paya de sa vie pour cracher la vérité, sa vérité. Urbaine. Salut Daniel Darc. Et je ferais pas comme. Ben en fait, Piala était un peu comme ça. Il était pas du genre à continuer en disant on se retrouve en haut. Puisque pour lui, comme pour moi, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il n'y a qu'une vie, cette vie. Et nous y sommes. Nous en sommes heureux. Et nous en sommes heureux, ben. C'est moi, c'est sérieux. Oui, nous en sommes heureux. Nous sommes heureux, oui. Et nous en sommes ensemble, complètement unis et quelquefois désunis. C'est un homme que j'aimais beaucoup, que j'ai rencontré à Montréal en 2004 sur la rue Sainte-Catherine. Avec sa copine. Donc, je le remercie d'avoir côtoyé mon existence et puis de continuer. C'est ça qui est bien. Les artistes continuent. Et le spectacle continue. Pierre qui mousse. Non, c'est hors comment. Est-ce qu'on peut? Oui, on peut. On peut tout faire. On se libère aujourd'hui d'une convention sociétale. Tout est permis. Tout est permis dans le radis, même de rêver, même de le cultiver sous la terre, sur la terre, au ciel, partout, sur les nuages. Ah, moi, j'ai cueilli 3 radis sur un nuage. Ah, bon. C'est dur à digérer, hein, parce qu'il reste encore un peu d'humus. Je te dis que on nous le dit jamais, ça. On nous a jamais averti que l'humus est non comestible. Ouais, mais qui a déjà mangé de l'humus? Ben, moi, sur un radis. Et là, comment on cueille le radis au ciel, sur les nuages, c'est très, très, très, très simple. Il faut un canot. Un canot gossé en bois, puis là, quand tu gosses ça, là, c'est pas à peu près. Là. Il faut au moins 3 filles, puis un garçon pour gosser, parce que si c'est 2 gars, 5 filles, ça fonctionne pas. 3 filles, 1 gars, oui, bah. Impair et. Non, c'est vrai, c'est impair et impair. J'ai perdu mon imperméable. Ah, t'en as pas besoin. Ouais, mais j'ai rien en dessous. On le sait, on le sait. Je suis un Columbo, mais. du X. Le Columbo du X! Pierre ne ramasse pas toutes les rousses. Oh, oh! On peut recommencer? Ben oui. Est-ce qu'on doit baisser le son du micro, madame, s'il te plaît? Comme ça. Oh, c'est très bon qu'on recommence. Parce que là, c'est le rouge. Les gens ne le savent pas. Ben oui, ben c'est la distorsion. Parle moins fort. Bon. Parle moins fort, ouvre la bouche, ça glissera mieux. Ou parle moins fort. Pierre qui ne ramasse pas toutes les rousses n'a pas la belle frimousse pour se les tasser à volonté dans un dans un aquarium. OK, vas-y. Alors, les adieux, ça là, c'est une belle ouverture. Non, c'est pas les rousses, là, quoique c'est des... C'est, oh, ouais, c'est merveilleux. Pas de repousse, les rousses. Règle générale. Alors, les adieux de Jacques Brel à l'Olympia versus Jamel Debbouze au Casino de Paris. Ah oui, en 2012. Ça, c'est intéressant. Merci de me l'avoir souligné, monsieur. C'est qui, mon attaché de presse? C'est toi. Oh, c'est toi. Comment je te dois? Absolument rien. Pourquoi? Je ne vaux absolument rien. Bon, au moins, on le sait. Avez-vous mis le petit magnéto à côté du... Bon, c'est ça. Non, il n'y a pas de magnéto. De magnota, magnéto. C'est mieux vaut le magnéto que le magnota, OK. Ouais, le magnéto. Ça va bien, le magnéto? Ouais. Bon, tu es prêt pour l'émission Errance Renadienne? Ouais. Hey, si tu connais pas ça, monte le son, toi, là. Monte le son, ferme les bouches, tu feras... Les bouches d'égout sont-elles coincées dans les lucifères? On va demander à la Mongole. Elle n'est plus si fière, ça, c'est vrai. Ah, bon, avec les années, hein. On se berce, mais on se dit que l'importance, le temps qu'il me reste, je ne pourrai plus marcher, mon dernier dentier. Comment ça fait? Oui, c'est il va et vient, hein? C'est tout à fait normal, je me berce en chantant. Quand j'étais petit garçon, j'avais en chantant, et bien des années plus tard. Là, imagine Mme Tremblay qui s'intonise sa station préférée, c'est Coeryl. Elle se dit, je sais que c'est. Elle s'assile, c'est le dentier. Je sais. Ça use. Un beau dentier, ça use, ça use. Un beau dentier, ça use. Le gravier, la peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que les petits tourtereaux. Ça sonne. Hello? Oh! Qu'est-ce que vous faisiez, madame? Oh! Je vous dérange dans un... Mon Dieu, allons-nous avoir un petit bientôt? OK! Un autre appel. Alors, qu'est-ce qu'il disait, donc? Ben, on parlait de... Ça use... Ah oh, oui, c'est ça! Jacques Brel. 1968-69, le dernier spectacle de Brel à l'Olympia. Imaginez-vous si c'était comme de... Ah oh, oui, je voulais faire prendre mon information avant. L'Olympia, Jacques Brel, j'ai pas d'ordinateur, je peux pas vérifier. Mais admettons, là, on va le placer en 68-69, là, les adieux. On n'est pas loin, là. Pas 60... ah, une chose est sûre, c'est pas 70. c'est pas 50. Donc, 68, 69, 66. Tiens, 67, 68. Ah, ben, arrête pas ça, toi! Ben, merci. Tu me cognes dans le cervelet, toi. J'ai la papille gustative, là, qui vire et qui vire et qui vire comme la roulette de l'hamster. Et, mais avant de parler de l'hamster, je vais te parler de Jacques Brel. Tu sais, quand on... ils ont filmé ses adieux à l'Olympia de Paris, imaginez-vous si tout ça avait été arrangé avec le technicien qui disait « Attention, là, avant le spectacle, j'ai ma caméra en main propre, hein, d'accord? Alors, je vais filmer la première rangée. Si toutes les dames ici, là, la première rangée, celle qui était habillée en rouge, en pois rouge, en pois chiche, en pois fif, en pois tite, en pois tite, en pois tite, tout ce monde-là, là, pleurait en même temps parce que quand Jacques Brel va chanter « Ne me quitte pas », ben, on va sur le DVD. Je sais qu'en 68, le DVD, ça n'existe pas. Mais nous, on est des prédicateurs. Ouais, ça veut dire qu'on sait ce qui va arriver. Vous autres, je sais, vous êtes des inconscients, vous êtes obligés d'ajuster vos lunettes, puis votre, hein, bon, vos prothèses auditives au maximum, s'il vous plaît. Parce que quand tu vas dire, on avait eu souvent, là, je voudrais que les madames fassent, pour que dans le DVD, on vous voit pleurer. Bon, OK, alors la première rangée, OK, pour moi, s'il vous plaît, quand je vais dire go, pleurer, puis je vais faire un zapping. Hey, j'ai une formation en cinéma. C'est un travelling, c'est sur un chemin de fer. Là. Le train du Nord, Opère du Nord. Un panoramique. Je vais faire un panoramique de vous, mesdames, en train de pleurer. Et je sais que là, ils chantent pas. Là. Imaginez-vous qu'ils chantent. Okay, vous la connaissez, la chanson. On a vu souvent répandre le feu dans ces volcans. OK, 1, 2, 3, allez-y. C'est merveilleux. Allez-y, Madame Tremblay. Hey, on la garde. Elle. Tellement bon. On dirait des vraies larmes. Est-ce que vous pleurez vraiment? Non. OK, vous avez un oignon. J'ai un oignon au pied. OK, continuez à pleurer. OK, ça manque. Bon, là, on aimerait que les gens du fond se lèvent et applaudissent. Ça, c'est quand Jacques Brel va faire sa dernière chanson. C'est toujours « Ne me quitte pas ». Non, c'est... quand j'étais cheval, ça, c'est le début, mais non, à la toute fin, OK? Préparez-vous. Vous applaudissez, vous criez, vous vous levez, OK? 1, 2, 3, vous... Non, je vous le répète. C'est une narration, en fait. Vous applaudissez, vous criez, vous vous levez. Applaudissez, criez, levez, OK? 1, 2, 3. Comme ça, OK? Parfait. On vous filme dans... 3, 2, 1. Ça, on va faire un beau DVD, ça. Ouais, mais DVD, c'est quoi, ça? C'est ben, ça avant la cassette. Ah, ben, après la cassette. Il y a eu la VHS, il y a eu la bêta, puis là, c'est, on est rendu au DVD. Blu-ray! Ben là, c'est le DVD. Ben, moi, je préfère le... Ah, bon. Là, Jamel Debbouze, lui, là. Imaginez-vous si Jacques Brel avait fait ça. C'est totalement délirant. Du voyons donc, ça peut pas être arrangé comme ça, là. C'est de l'émotion à l'état pur. Tu l'as ou tu l'as pas. T'es un artiste d'émotion ou t'es un 3 points de suspension. Quand t'es un 3 points de suspension, ben, tu t'en vas à la fin de la phrase, puis on t'oublie, puis on ferme le livre. Merci, bye, à la prochaine. Tu te retrouves dans une bibliothèque. La poussière tombe sur toi, puis... Toute la poussière tombe sur moi. Je suis tellement que compétent, personne ne... Mais non! Là, on demande aux humoristes la même affaire en 2012, au Casino de Paris, en juillet, au spectacle de Jamel Debbouze. Il y a un technicien qui dit « Hey, là, la troisième rangée, vous allez rire. On va vous filmer, vous allez faire partie d'un DVD. » Le spectacle n'est pas très bon, là, très pas bien, pas très bien rodé, c'est un peu n'importe quoi. Là, on n'a pas le choix, là. Faut faire de l'argent, puis vous êtes là. Vous êtes vendu d'avance, hein? On vous a payé. Non, c'est moi qui ai payé 55 euros. Puis là, il y a mon petit copain d'à côté, le Renard. Lui, c'est un Québécois. J'espère que vous allez être drôle, parce que lui, le Québécois, là, il rit pas n'importe quoi. J'espère qu'il va avoir des effeuilleuses. Ben non, c'est pas la bonne place. C'est pas aux Folies Bergères. Les Folies Bergères, j'aime pas les moutons, qu'ils soient purs, non, c'est pas les Jolies Bergères. C'est Jamel Debbouze. Jamais de blues, faut que tu me la joues. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Ben, c'est ça, vous allez rire, on va vous filmer avant le spectacle. OK? 1, 2, 3, riez! Eh, monsieur, c'est qui, ça? C'est le Québécois. Ben, ça rit même un Québécois? Non, tu fais... Oh, non, moi, c'est... Oh! T'es pas chez le dentiste, toi, là, voyons d'or. Après ça, on nous demande de nous lever, rassiduer, relever. Voyons donc, je vais pas à l'église à cause de ça. Moi, quand le curé me dit « Debout », là, j'ai pas de temps, là. Faut que je m'ajuste la papille gustative pour recevoir le sting. Alors, « Debout », je vais pas être debout, moi, là. Je t'étourdis un peu parce que j'ai bu 3-4 vins de messe, là. J'ai goûté, là. « Debout », hey! Mon diabolique curé, François est là derrière moi. Devant moi, excuse-moi. Le papal. Allô, papal? Oui, ça va bien, papal? Ça va très bien. Voulez-vous me bénir? Au nom du fer, du pisque et du pain d'espice, amen. Amel de blues, faut que je te joue. Tout est truqué en 2013, 2012. Tout est truqué, là. Pour voir si un artiste est vraiment extraordinaire, allez le voir sur scène. Que le DVD, ça peut traduire autre chose. En parlant d'autre chose, on tourne les feuilles et voici M. le Président. Voici Mesdames les Voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. On sent les feuilles. C'est l'automne. Ben non, c'est le printemps. C'est le printemps, c'est l'automne, c'est l'hiver. C'est l'automne. Non, c'est le printemps. C'est le printemps. Les oiseaux, les enfants, c'est le printemps. Les rigoles, c'est le printemps. C'est l'hiver, c'est le printemps. Pourquoi je ris? Ben c'est le printemps. L'hiver, c'est... Oh, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Puis l'automne, c'est... C'est l'automne. Ah, c'est les allergies. C'est... L'émission dure 2 heures. Oui, je sais. Attends. Hé, vois-tu... Combattez vos allergies. Rénal Grenier est là. Chuck Norris aussi. Bienvenue à la douce rénalité. Chuck Norris? C'est comme un chien qui court après sa queue. C'est pas un chien, c'est un chat. Mais moi, je fais les chats en chien, les chiens en chat, les chats enchantés. Je suis enchanté dans ma bulle enchantée. Ai-je enfanté? Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Vous êtes sexiste? Pourquoi les hommes ne peuvent pas enfanter? On est tout approprié. On a la petite bedaine de bière qui pourrait réchauffer un petit fœtus. Pour nourrir le petit fœtus, il y a de la bière. Le houblon, ça nourrit son fœtus. Puis en plus de ça, il sortirait là, de jour. Hein? Oh, c'est monsieur qui a accouché. Regardez le petit. Ah oui. Sinon, là, c'est la dame. Oui, oui, entendez le petit. C'est la dame. Et là, le monsieur. Monsieur enfanté, soyez le premier. Selon la NASA, oh mon Dieu. On va oublier la NASA. Non, mais sur la stratosphère, il y a déjà eu des hommes qui ont accouché, hein, parce qu'on voulait pas que ça soit filmé par CNN. On les a envoyés sur la Lune. Ben, on fait pas sur la Lune, sur la stratosphère. Tu peux pas comprendre, t'es pas évolué, toi. Ben, voyons, non. Non, non. T'as quelle formation académique? Qui? De quelle formation académique? À qui? Ah, rien, y a rien. Rendors-toi. Oh. Voyons donc, tu te prends pour un cochon? Non, mais non, je me rendors, je me remets dans le... dans le diapason du sommeil. Ça, c'est le diapason du sommeil, on dirait que c'est le diapason du porc. De train en train, de port en port, encore je te le jure. C'est pas Jacques Brel? Non, c'est Serge Lamarre. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est commencé, là. C'est commencé! Chuck Norris est là. Et vous? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention, Facebook veut... Non, pas une prière. Oh, c'est le temps. Attention! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Moi, je demande le... Je te vends des petites patates. Et c'est écrit à volonté. Bouf, trois petites patates, je suis déjà... Je suis déjà rassasié. Mais pouvez-vous rajouter des petites patates dans mon sac en plastique? Je vais amener ça à la maison, c'est pour les enfants. J'ai des enfants. J'ai trois enfants. J'ai un enfant. Eh mon Dieu, il y a de la mouche ici à soir, là! C'est des gros bourdons cochons. Bonjour. Oui, ça va très bien. Moi, j'avais un oncle qui s'appelait aussi le gros bourdon cochon. Et puis, ben, il était très cochon et bourdon. Il piquait partout. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. La bouche ne veut pas suivre la langue. Hey, je sais pas. On dirait que j'ai un début de cancer de langue, moi. Ça brûle, ça pique du côté gauche. C'est normal, t'es de gauche! Oh, merci! Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre. Arrête de trouver des maladies. J'ai regardé dans le livre encyclopédique maladique. J'ai la tique aiguse. Oui, la tique aiguse. Oui, je sais que la petite obcuse, là, mais la petite obcuse, c'est pas assez dangereux. La petite aiguse, là, ça fait... Aïe, aïe, donc. Ça te rentre dans le cuir chevelu, là, puis ça te ressort par les amygdales. Croyez-moi, ça fait mal. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 3 mai 2013... Mois de l'amour, le mois de mai, laisse-moi faire avec toi le plus beau de tous les mois. On a dépassé le temps. Ok, la bouche va se fermer immédiatement. Les gens qui regardent la vidéo, ils se disent, c'est pas vrai, c'est pas normal, ça, là. Ça a pas dormi depuis 28 heures. Madame, je suis renchéri, moi, madame. Comment ça donne? Ben, ça donne rien. Ouais, ok. Mais si ça donne rien, je dis rien. Ah non, oui, il faut me récompenser pour tout, moi. Je fais mon plancher, on me récompense. Je fais ma vaisselle, on me récompense. Je fais mon lavage, on me récompense. Je fais une des récompenses, on me récompense. Alors donc, le vendredi 3 mai 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous ça me gratte sous l'aisselle. Moi, le chimpanzé rénaldien. C'est KRLien. Oui, c'est ça qu'on voulait te dire, là. On t'essayait de te rejoindre. Oui. Ben, c'est que. On t'a nommé. Merci. Vous. Alors, donc, vous savez quoi? Ben, on t'a vu comme chimpanzé. OK. On te donne ta carte de chimpanzé. Oui. Donc, il faut grimper dans l'arbre, manger de la banane. ça ne serait pas la banane de Philippe Catherine, là? Non, mais laissez-moi, non, mais Alice? Non, non, non, non, non, non. C'est une vraie banane. Là. Une banane avec la pelure, avec le fruit à l'intérieur, avec... Philippe Perrin est né en France en 1964. Depuis la fin des années 80, Philippe Perrin marque la scène artistique avec des œuvres où fiction et réalité s'entrechoquent en utilisant les codes de la violence sportive, policière, sociale, religieuse et intime. En juillet 2012, Errance Renaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit... printanière. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Ouais! Mon main, si tu me voyais, tu serais fière de ta fille. Quand je sors le soir sur Sunset Boulevard, tous les gens qui passent me prennent pour une star. Les vraies stars sont rares à Hollywood. Je me suis acheté mes robes décolletées en cœur comme Marilyn Monroe. Des lunettes noires qui me font les yeux dans le beurre comme Greta Garbo. Un bois blanc de 12 pieds de longueur à la Gina. Corona. Faut qu'il y en ait une qui passe, puis je donnerai pas ma place. Mon mari, si tu voyais tous les néons qui brillent. J'étais invitée au bar des Oscars. Un jour je l'ai. On marche sur les étoiles à Hollywood. Un jour, mon mari, je reviendrai te chercher en rose rose dorée. Je t'amènerai où tu voulais toujours m'emmener, au pays de Walt Disney. Oh, oh, oh, un beau matin, j'arrête. Ton premier palmier. Ce jour-là, tu pourras dire bye bye, bye bye au chelingot. Faut qu'il y en ait une qui passe. Faut qu'il y en ait une qui passe. Faut qu'il y en ait une qui passe. Très bon copain, je lui ai tapé sur la tête, tu vois, Bénil, la série Bénil. Oui, oui, oui. Et le petit, je lui ai tapé sur la tête. Je lui ai tapé sur le côté pour le faire tourner, la tête à la gauche, à droite. C'était de la peau. Et voilà, c'était de la peau, il est chauve. Il est chauve, le pauvre. Arrête, le jeune, arrête de me prendre pour un bourricot. Mais lorsque vous vous êtes rencontrés, est-ce qu'il y a eu la communication entre deux artistes? Oui, ah oui, moi j'étais le petit. Oui, mais est-ce qu'au niveau artistique, vous... Ah, bien sûr, on était... Oui. Non, pas vraiment, parce que c'est des époques différentes, c'est pas la même chose, etc. Mais moi, je respectais beaucoup, surtout les compressions. Je trouve que c'est merveilleux, les compressions. C'est un des plus grands sujets de sculpture qui soit. C'est la bagnole. qui est cette espèce de monstre qui date du 20e siècle, qui est has-been, la voiture, le pétrole, c'est l'Amérique, tout ça, le compresser tout ça pour faire un monolithe qui a 1 million d'années. Je sais pas, c'est un truc, je trouve ça magnifique, quoi. Et puis c'est la sculpture, quoi, c'est voilà, une sculpture, tu vois, le geste, tout, quoi. Il y a tout dans une compression de bagnole. C'est vrai. Je trouve que c'est très très puissant. Et voilà, donc moi j'aimais beaucoup ça. Lui, il aimait beaucoup ce que je faisais. Il m'a acheté. Lui, c'est le premier qui m'a acheté une lame de rasoir à l'époque. C'est-à-dire ? Ben, il m'a acheté une œuvre. Ok. Quand j'étais jeune. Il voulait me l'échanger, mais j'avais pas d'argent. Je lui ai dit, échange-la moi contre des sous. Ok. Contre des sous, Alain, comme il était, putain. mais quand tu parles de lame de rasoir. Ah oui, écoute. Salut. Ah, c'est des grandes lames. Oui, c'est quand je parle de lame de rasoir. M'acheter une lame de rasoir, oui, pas pour est-ce que couper tu peux... les veines. Non, mais ce que je veux dire... C'est un objet, oui, est-ce que tu veux décrire un peu. Est-ce que tu peux parler de la mensuration de ce genre, de la dimension? Ah ben, il y en a d'un mètre 80, de 2 mètres, j'en ai fait une de 4 mètres aussi, qui fait 2 tonnes, tu vois, c'est tout en inox, c'est découpé au laser. C'est ouais, ah ben oui, c'est beau. Oui, c'est bien. Beau, oui, mais écoute, mais est-ce que tu l'as présenté? On peut l'avoir actuellement, c'est visible ou... Non, il y en a plusieurs, c'est chez des gens. Ok, c'est des particuliers. Des particuliers surtout qu'on a chez eux. Comme tapis au sol ou contre le mur posé. Ah, c'est par terre, c'est même. C'est par terre ou. Ah, ça dépend de la taille. Si elle fait, 2 mètres, c'est 12 mm d'épaisseur, 1 cm 2, un truc comme ça. C'est lourd quand même, tu sais. Oui. En inox. Hein. Non, c'est des gros bébés quand même. Ouais. Mais. Les œuvres sont uniques ou si. Non, alors les œuvres. Ça, on en revient à Rodin. Il y a une loi qui était passée. Bon, ouais. C'est bien. Mm. Ouais. Mm. On parle en bois parce qu'on parle. Il dit bon, il parle du rosé. Là. Oui. Un petit rosé frais du sud de la France à Montmartre, c'est toujours agréable. C'est hein. Oui. Tu vois, on t'accueille bien. Mais c'est ici, la première bouteille, mon premier verre. C'est ton premier verre depuis que t'es arrivé en France. Oui. Premier verre d'alcool. Oui. Et pour que ce soit avec moi. Ben oui, ben écoute. Ah ben ça me fait plaisir. Ah mais merde, on avait dit que je buvais que de l'eau tout à l'heure. Ben oui, mais non plus. Alors, on coupe mon montage. Devant les micros, vas-y. Ouais, on coupe. Tu coupes pas ça. Trinque et ne coupe surtout pas. Ok, mais tu voulais pas aussi que je coupe ça. Oui, mais non, je suis en train de boire du rosé, en train de fumer, on s'en fout. Ah oui, on est en terrasse, on a le droit. Exactement, on y est. Et non, parce que si tu veux, au départ, les artistes que des pièces uniques, et si tu veux, par exemple, des mecs comme Rodin, faire une seule fonte, ça coûtait vachement d'argent, etc. Donc il y a une loi qui était passée, qui considérait comme un original à 8 plus 4 exemplaires. Ok. Donc tu as le droit de faire une sculpture à 8 plus 4. Moi, selon les sculptures, je trouve que ça va, selon les autres, je trouve que c'est trop. Okay. Tu vois. Donc il y a, par exemple, des grands Beretta, c'est à 3 plus 1. Ok. Une épreuve d'artiste, 3 exemplaires. La grande couronne en barbelé, Jésus, il n'y en a plus qu'un, j'en ai plus qu'une. Tu vois Non mais tu vois, ça s'adapte en fonction après des lames de rasoir. Oui, c'est des pas très grandes. Je fais une série à 8 plus 4, tu vois. Parce que je sais que ça se vend, il faut que je vende aussi des choses. Parlons normalement, disons la vérité. Oui. Est-ce que sinon j'en fais qu'une, voilà, si j'ai pas besoin d'argent. Mais en même temps, il faut que ça circule les œuvres, il faut qu'on les voit. Si t'en fais qu'une, elle est chez un mec, personne ne la verra. Si tu en as 12 en tout qui traînent par-ci par-là, il y a plus de gens qu'on voit. Est-ce que tu prends... Et je préfère vendre à des particuliers. Moi, je vends pas dans les... Je suis pas dans les trucs français, les fracs, les dracs, les cracs. Pourquoi les fracs, les... Parce que ça finit dans des caves et que les gens les voient pas. Et que j'aime pas du tout cette politique de saupoudrage, d'assistanat des artistes à la française. Alors toi, t'es pour l'art... Chez des particuliers. Qui devient populaire. Les musées, les expos. Les expos dans des endroits qui sont beaux, qui sont intéressants. Les galeries, ça me fait chier. Et les collectionneurs, chez eux, chez des gens, parce qu'ils l'ont acheté avec leur argent, ils n'ont pas envie de la foutre dans une cave, ils ont envie qu'on la voie, ils ont envie de vivre avec, tu vois. C'est important, ça. C'est pas juste pour la vente, pour faire du blé, que ça aille dans une cave, ça m'intéresse pas, j'ai envie qu'on la voie. Tu veux qu'elle vive? Ah ben, j'aimerais qu'elle vive et que les gens vivent avec. Que les gens partagent leur quotidien avec un objet, c'est intéressant, quoi. Ouais. Sinon, c'est pas la vocation d'une œuvre d'art d'être accumulée dans une cave, tu vois, d'institution. Ouais. Juste pour donner du fric à des galeries ou à des artistes de merde, surtout ce monde. Est-ce que tu es pour l'œuvre non éphémère? Je suis pas contre, j'en ai fait aussi. Okay. Celle de la vanne, la Kalachnikov, c'est un truc éphémère, c'était le temps de la biennale et à la fin ils la détruisent. Voilà, on n'en parle plus. Ils la détruisent. Oui, ils la détruisent, ils vont tout récupérer, ils ont rien. Oh, ouais, les bouts de fer, les machins, il y en a un qui va faire une maison avec. Hein. Ok. Ils vont faire une sorte de tente de plage. Mais ça revit autrement. Ça revit autrement, mais là ils récupèrent les matériaux pour faire autre chose. Okay. Tu vois? C'est-à-dire que c'est le contraire. Il y a des mecs qui font des trucs avec des matériaux de récupération. Oui, c'est ça. Moi, c'est d'abord une œuvre et c'est récupéré pour faire une toile de tente après. En fait, tu voilà. En fait, tu des œuvres de récupération? Non. Non, non. Pourquoi c'est pas ton truc? C'est pas ta, c'est pas ton Je vois pas l'intérêt, moi. C'est pas, ben, l'intérêt, c'est de Oui, mais s'il y a quelque chose qui m'intéresse, qui peut servir à quelque chose. Tu as déjà été quelque chose avant. Ça me gêne pas si on s'en fout. On voit pas. Si c'est un tube qui a servi à quelque chose et qui peut servir du canon d'un revolver, on va le prendre le tube. Okay. Mais sinon, je vais pas, tu vois. Mais tu prendras pas quelque chose qui a déjà utilisé uniquement pour... Non, je m'en fous de cette démarche. Je la trouve débile, c'est fait, là, c'est suffit. Sais-tu, est-ce que c'est la génération verte un peu, là, les gens qui veulent... Ouais, mais c'est vieux, ça. C'est puis je trouve ça con. Ouais, je travaille avec des objets de récupération, là, là, là, là. Ça va, ça casse les couilles. Ouais. C'est vieux, ça sort la poussière. Au contraire, c'est de plus en plus fréquent. C'est de plus en plus parce que maintenant, c'est les néo-babas. Ok, oui, c'est ça, ça paraît c'est mieux. Les néo-babas, voilà. Ouais, maintenant, ça a une nouvelle étiquette, mais c'est toujours le même principe, il est toujours aussi bête. Et c'est le mangeur de tofu. Voilà, ah, voilà, ouais, c'est le mangeur de tofu, ouais, qui nous casse les couilles toute la journée. Et voilà, avec une grosse bagnole. Alors, on n'emmerde pas celui-là non plus. Il prend l'avion et il mange du tofu. C'est ça, exact. Et tes œuvres... Il boit des bouteilles d'eau en plastique. Recyclables. Ouais, ouais. Ben oui, on va recharger la bouteille. Avec les bouteilles de plastique. C'est ça, on va recharger la bouteille, mais on va prendre de l'eau... ouais, de la Volvic. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Au lieu de prendre de l'eau du robinet. Voilà. C'est aussi bon. Ben oui. Hein? C'est, il faut être un là, peu... Tu as des filtres maintenant. Tu sais. Non, mais directement du robinet. Non, mais les donneurs de leçons comme ça, ils m'ont merde. Non, mais directement du robinet. En plus, un peu de chlore, ça fait du bon cerveau. J'ai dû ramener des États-Unis une brosse à dents électrique à pile. Ça, on n'en trouve pas ici. Ben voyons donc. Ça existe pas. Si, électrique, oui, mais pas à piles. Ok. Tu vois? Oh oui, je sais, j'en ai. Il marche avec des piles. Oh oui. Ben, on n'en trouve pas ici parce que ben ça doit être encore un truc de recyclage, où il casse les couilles, tu vois? Ouais. Il faut l'avoir le chargeur chez toi, donc tu ne peux pas partir avec. C'est des tu dois amener ton chargeur. C'est des conneries. Alors qu'elle est à piles, c'est super à piles. Et ça on m'a ramené une, j'ai acheté 20 têtes, etc., tu vois? Mm-hmm. Ouais, mais sur Internet, avec eBay, tu peux en trouver. Il y a des jolies filles à Paris aussi. Hein. Oui, oui, toujours. Tu choisis bien tes emplacements hein, oui, quand tu fais des interviews. Je t'ai placé devant le public. Ouais, donc, bah oui. Tu fais ton spectacle. Parce que là, nous sommes dans la rue, en terrasse. À quel endroit À côté, oui, rue des Abbesses. C'est à Montmartre, en dessous du Sacré-Cœur. Exact. Et c'est un quartier avec des jolies filles. Il y en a beaucoup qui passent devant nous comme il fait beau. Effectivement. Elles se dénudent. Pour notre plus grand plaisir. Voilà, il y en a une à moitié nue qui passe sur un scooter à l'instant. Oui. Elle était jolie, elle était charmante. Oui, comme dit la chanson, elle était si jolie. Elle était si jolie. Et, c'est quelque chose, ça? Ah, je sais pas. Alain Barrière. Alain Barrière, ouais, voilà. Celui qui chantait ma vie. Non, ça, c'est notre combat. C'est ça. T'as raison. Ma vie. Alain Barrière a vécu longtemps à Montréal. Il avait bien raison, à mon avis. Non, mais c'est pour le fisc. Alors, il a eu doublement raison. Johnny, lui, c'est la Suisse. Mais c'est plus avantageux pour le fisc. Ben, lui, c'est parce qu'il était pris au coup ici, donc il... Il voilà. Voulait un pays francophone. C'est pour ça, il ne devait pas parler l'anglais, alors. Exact. Il est allé au Québec. Encore aujourd'hui. Et toi, tes œuvres ont transcendé, ont été renouvelées. Ta vision a été renouvelée, a été... Tu es en train de me dire depuis tout à l'heure que je fais toujours la même chose. Non, pas du tout. Je parlais d'évolution. Ouais, ben ça évolue doucement, ça change, j'en ai un peu marre. Après les gens, tu sais, sont réducteurs, ils appellent l'artiste qui fait des revolvers. Bon, ça commence à me gonfler. Okay. Mais parce que je fais mille autres choses, quoi, des dessins, des machins. Mais ça, c'est vrai que ça reste sur des sujets d'actualité plutôt chaud, etc. Que ça, je m'adapte en fonction de la. Tu vois, les idées viennent comme ça, je me pose pas de questions. Il y a des événements qui sortent, bam, tu vois, voilà, ça, il faut le faire pour en parler d'une manière ou d'une autre, et faire un objet qui va avec, ou, tu vois. Mais là, tu dis que tu vas prendre des vacances en Corse, mais est-ce que... Ah ben, ça m'inspire aussi. Oui, mais est-ce qu'un créateur peut prendre des vacances aussi? Non. On est constamment à la recherche, ou inconsciemment... Oui, ou... oui, ben ça, oui, c'est pas des vacances. Non, c'est non. Comme un poète, un poète n'est jamais en vacances. Ben non, évidemment. Tout. Pas pour ce qui s'en va, mais moi ça me fait rien, je marche vas-y, je suis hot. Portez-vous de l'idole. La prochaine fois qu'il passe, me couche devant lui, au milieu de la place, pour faire une belle mort, une mort érotique. Je veux qu'il me passe le corps avec son bicycle. Oh, cette semaine, et ça, je suis... Arrête de saper, mon Rita. Mon Rita Bibelot, arrête de saper. Je ne suis pas ton Rita, je suis ta Rita. Oh! Clarica. Oh, la chanteuse Clarica, je tente. Et là, quand je dis je tente, là, je travaille très fort. Très, très fort. La preuve? C'est assez travaillé fort, ça, là. Pour rencontrer la chanteuse Clarica que j'adore. Je crois que c'est pas l'inverse. Elle craint le Québécois errant. un Québécois errant qui voulait voyager. Non, c'est pas non. Voyage, le jour, la nuit, voyage. Comment ça s'appelle? L'aide. On t'aime. Voyage, ça c'est des petits becs. Voyage. Oh, tu veux que je refasse ça? Voyage, le jour, la nuit, voyage. Ouais, j'ai mon voyage. J'ai mon voyage avec toi, allez, plus de retour, en monde où qu'elle laboure. Cette semaine, et ça, j'excuse plus du concept, nous mangerons, excusez-moi, j'ai eu un reflet intellectuel de mon visage et du chien. Pas du chien, du sien! Je n'ai qu'un poisson roux, le poisson à mauvaise tête, et le rénal fuit sous l'eau, comme Flipper! Et moi, je me suis toujours, quand je l'ai acheté, ce petit poisson-là, je dis, il faut devenir gros comme Flipper. Je suis allé à l'animalerie, là. J'avais l'air bizarre, les lunettes fumées. À l'extérieur, il y avait de la pluie. Il pleut dans le vieux Québec et je me souviens que la vendeuse avait le regard hautain. Oui? Bonjour, madame. Mademoiselle. Excusez-moi, mademoiselle. Vous venez ici? Ben non, je viens pas ici, moi, là. Je suis pas là, là. Est-ce que je suis là? Mais vous êtes avec des lunettes. Oui. Oh oui, je suis avec mes lunettes. Je vous présente Fumée. Oh, mon enchanté, Fumée. Elle donne la main à mes lunettes. Mes lunettes l'embrassent, c'est ça, avec sa belle... Moi, j'ai deux grands yeux, le fumé, qui les embrassent. Arrêtez. Je pense qu'elle avait une sensation bizarre venue d'ailleurs, là. Et vous venez? Pas moi, mais... Comment ça, vous saviez que je suis précoce? Oui, j'ai mes cinquantaines, madame. Je vais m'acheter parce que j'ai entendu une promotion à radio. Sécoéril disait qu'il y avait des poissons pour 50e, si on était membre de Sécoéril. Je suis membre de Sécoéril, donc j'ai cherché mon petit poisson. Madame, moi, je voudrais avoir, excusez-moi, j'ai une voix qui monte dans l'octave aiguë. J'ai dit octave aiguë. Mais. Octave. Et donc, avec 50e, là, je vais le prendre petit, mais je voudrais qu'il devienne gros comme Flipper. Je sais que ça vous fait flipper, moi, là, ça vous avait peur, hein? Ah, oh, si vous voulez, vous pouvez venir chez moi le voir grandir, là. À la fin, j'aimerais ça, à la fin de tout ça, là, hein, lorsqu'il sera adulte, là, le nourrir avec des, je sais pas, des grosses bébites, là. Non, je dis pas que vous avez des bébites, madame, là. Alors, qu'il y en a un problème. Voyons donc, je ne suis qu'un innocent, vous saviez. On vous le... Oh, on vous a annoncé ma venue. Dans la gloire du... Alors, j'ai 50e. Quel poisson je peux avoir, madame? Quel aquarium dois-je m'arrêter pour contempler l'œuvre de ces petits... Non, c'est quoi? C'est des... Des brancheux, des branchies, des branchettes, des branlettes. En tout cas, oui. Ah, c'est juste ceux-là. Ah, oh, mon... Ils ont l'air bizarres, hein? Ils sont gênés. Ils sont tout rouges. Normal, c'est des poissons rouges, bon, OK. Ça, est-ce que ça va venir très gros, ça, adulte? Là, c'est des enfants, ça, là. Moi, je connais pas ça, là. Je change pas de couche, là. Je les laisse aller, puis ils vont se promener comme ça, là. Ils ont pas l'air brillants, hein? Ils ouvrent la bouche. Ça me fait penser à... Ferme la bouche, ouvre les yeux, tu verras... Non, c'est l'inverse. Ferme les yeux, ouvre la bouche, tu verras, ça ira mieux. Ben, c'est... Ouais. Ben, si je tire un os, ils rapporteront rien. Non, ça rapporte pas grand... Moi, je paye 50, mais ça rapporte... Ouais. Peux-tu faire des tours de sec avec ça, là, sauter dans l'anneau, puis m'amuser avec dans les... Ouais, si je prends un bain, non? Non, il n'y a rien de... Les enfants, s'ils se plongent dans la... Hein? J'aimerais ça, moi, tu mets la main dans l'eau, puis tu t'amuses avec. Tu peux pas t'amuser avec des poissons. Tu cognes dans vite, là. Poisson! Là, ils te regardent. T'embrasse, c'est ça, t'embrasse, ça, hein? C'est affectueux, ces petits poissons rouges-là, hein? C'est 50 cents, ouais. Vous voulez que je parte? OK. Mettez-moi ça dans un papier, là, du papier brun, s'il vous plaît, parce que plastique, là, c'est... L'ozone, la couche de... Ouais. La couche frissonne, savez-vous ça? Et en hiver, ici, ça frissonne moins 40. Là, tout le monde frissonne, la terre frissonne. Puis en bas, là, c'est l'Afrique qui fait chaud, il n'y a pas d'eau, rien. Mon poisson, si je l'amène en Afrique, là, ils vont mourir, hein? Passes-tu aux douanes, cette affaire-là, là? Non, c'est pas pour cacher des... Là, voyons, d'or. Moi, je suis pas un introducteur par irréférence, là. Quand je me... Non, lorsque je m'en vais en Europe, moi, je suis tout à fait propre, là. Je me lave avant de partir, puis je suis jours sans... Ouais. En fait, je vais me confondre à la... Oh, c'est des préjugés. OK. On y va. Là, j'ai pas commencé, moi, mon improvisation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La prochaine fois? Mais voyons donc, vous, arrêtez-moi pas. Bon, on va l'amener, votre poisson, là, 50 cents. On va vous libérer. OK, parce qu'il y a d'autres clients derrière de moi. Mais voyons donc, attendez, là. Vous venez pourquoi, vous? Hey, il y a un chien, lui. Il est de mauvais poil. Hein? Il y a une humeur de chien. On vous l'a déjà fait, bon. Ouais, vous me reconnaissez? Ouais, sur YouTube, j'ai 205. Ouais, en 2010, c'était pas... Ouais, je m'excuse. OK. Ma main. OK. Bon, mais je vais l'acheter, votre poisson. Là. Il a l'air bizarre, mais c'est pas grave. Là. Même si vous avez dans un sac en plastique. Bon, non, du papier brun, parce que plastique, là, c'est pas très bon pour la couche. Là, je peux changer à quelle fréquence, là? Ça mange quoi, cette affaire-là? Là? Du steak haché, de la boulette fraîche? Parce que là, j'ai un restant de céleri dans mon... Hein. Ben, ça mange des... Qu'est-ce que c'est ça? Des fécules. Fait que je leur... Ouais? Ben, OK. Si je mets des croustilles sur le dessus, là, tu sais, des barbecue, pépé... Ouais? Ils vont mourir. Ah, la DPJ ne viendra pas ici, là, s'il meurt, là. Ben, pas ici, mais chez moi, si. Hein? OK. Bon, c'est compliqué d'acheter un animal, hein? Peux-tu l'envoyer à SPCA directement, moi, là, si je me... Je m'attriserais... Ben, j'ai déjà de la difficulté à manger 3 repas par jour, madame. Je déjeune jamais, moi. Je travaille de nuit, mais... Mais... OK. Puis là, tu sais, le vendredi, moi, je suis... Excusez-moi de raconter... Madame, ouais, je sais, vous avez un chien, monsieur, un chat, puis ouais, donc raton laveur. Puis qu'est-ce que c'est ça? C'est plein d'animaux bizarres, hein? Comment ça, ils sont pas tous aux poissons comme moi, là? Ah... Vous voulez pas que je raconte? OK, je vais le prendre dans un papier brun. Oh non, c'est comme... Faites-vous comme vous voulez, là. Gâtez-vous, madame, gâtez-vous. Prenez le plus beau poisson. Moi, je voudrais celui-là, là. Celui qui est en arrière de la pierre. Ça, vous pouvez pas l'attraper. Vous êtes pas compétente, là. Je vais prendre ma main, donnez-moi le sac en plastique, moi le colle. Allez, on enchaîne avec la musique. Chienne de nuit, de fin de soirée, dans ma taverne enchaîne, me faire fermenter. Trop fini, trop mariné, prendre un shoot pour m'endurer. Prendre une drac pour me gronder. Va prendre un break, va prendre mes clés, un demi-gramme de mort pour emporter. Le mur trop fret, le chien qui pète, pitoune trop fait coucher à côté de moi. Trop fini, trop mariné, j'aurais un truc pour la grouiller. Va prendre une puff pour me knocker. Va prendre un shoot pour débander. Va prendre un break. Va prendre mes clés. Faire des millions de morts pour emporter. Chienne de nuit, de fin de soirée, dans ma taverne en chaîne, en train d'agoniser. Trop fini, trop décrissé. Pour m'endurer, prendre une traque pour me gronder. Va prendre un break, va prendre mes clés. Un demi-gramme de mort pour emporter. Oh, mort pour emporter. Non, non, non, je vais chez des amis, voilà, on va papoter, on va bosser sur son monde des trucs. Il y en a un qui doit monter des trucs chez qui je vais, il monte des trucs à Sao Paulo et on doit éventuellement monter une exposition là-bas. Ah, c'est pas des vacances. Non, c'est du travail, mais c'est du travail à la plage. Oui, c'est ça, avec le soleil. Avec du rosé, des eaux des filles et la mer. Mais c'est ici, ça. Voilà. Mais pourquoi aller là-bas? Restons ici là-bas. La place pour la mer, pour la mer, quand même la mer. C'est vrai, c'est vrai. Et changer un peu de paysage. Oui, ça fait du bien. Et toi qui voyages beaucoup, t'es un urbain, est-ce que t'es... Je suis un urbain, ouais, quand même, parce que ouais. La campagne, moi, c'est ouvert, c'est toujours c'est monochrome là. Monochrome, ok. Ah, ça me fait chier. Ok. La campagne française m'ennuie un peu. Alors j'aime bien y passer comme ça, ah bonjour là, mais j'y reste même pas dormir à la campagne. Mais c'est la ville, toi. Ça me stresse la campagne. Il n'y a pas de bruit, il y a des hiboux. C'est à cause de la tranquillité te stresse. Trop. Ok. Trop me stresse. Ça m'angoisse. On dirait la mort. Ça ressemble un peu à la mort. C'est la mort. Ouais. La nuit à la campagne, t'as l'impression d'être mort. Hein. Ok. Et tu veux pas mourir souvent. Ah, j'ai peur. Hein. Ah, t'as peur de mourir? Et tu es un gars qui traîne la mort? T'as pas peur, ça? Non. Ben, ça dépend. Moi, j'ai pas peur, je m'en fous. Ouais. Mais le moment où on meurt, ouais. Celui-là doit être terrible. Ben, mieux vaut mourir instantanément. Et le plus tard possible. Ben... Les vieux qui demeurent dans leur sommeil, c'est quand même le mieux. Hein. Oh oui, c'est merveilleux. Ah, tu t'endors et tu te réveilles plus, c'est parfait ça. Un cancer, ça c'est autre chose. Ah, ça c'est plus... Ça c'est l'appel de la merde, ça. Ouais, ouais. Voilà, la maladie, tout ça, ça fait chier. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que tu fais... Attends, ben là, non, c'est vraiment oublié. C'est ma question qui suit. De quoi? Ben, t'as une clope, j'allais dire, c'est pour ça que tu fais attention. Mais... À ma santé, bien sûr, c'est pour ça que je fume moins. C'est ça, je fume un petit peu moins. Je me suis remis au sport, j'ai refait de la boxe française depuis septembre. C'est quoi la différence entre la boxe américaine et la boxe française? La boxe américaine, c'est pour les cons, la boxe française, ça se ressemble, mais... C'est un art, non, mais c'est quoi la différence? Il y a des coups qu'en boxe française, c'est plus élégant, il y a des coups qui sont interdits, des trucs... En bas de la ceinture? Ouais, voilà, non, on tape en bas, ouais. La boxe française, on tape en bas. Ah, dans les tibias, tout ça, ouais, les coups de pied et tout. Oh, oui. C'est du kickboxing. Pied-point, c'est, ça ressemble. Ça ressemble un peu, mais il n'y a pas de coup de poing tournant, il n'y a pas certains trucs, tu vois. Et on a des chaussures, en plus. Donc ça fait mal, les chaussures. Ah oui, kickboxing, il n'y en a pas, c'est vrai. Non, on met des chaussures en français, on met des chaussures en pointu. Et tu fais ça, toi? Ouais. Et tu risques de te blesser en faisant ça? Bah, ça m'arrive de temps en temps. Puis tu peux arriver à travailler en plus? Bah, je fais ça le soir. Oui, mais le lendemain, c'est comme le lendemain d'une brosse. Ah ben, ouais, mais enfin bon, on n'est pas là pour se faire vraiment mal non plus. Hein. Okay. On y va en douceur, mais enfin, on se frappe dessus, ouais. Ok. Sinon, ça sert à rien. Alors toi, t'es un gars qui aime être dans l'action, qui aime... Ah, il faut. En même chose... Et tu sais, j'en avais fait pendant très longtemps, mais j'ai arrêté d'en faire pendant 25 ans. Pourquoi? Parce que je suis passé de la salle de boxe à la boîte de nuit. Oh, à un moment. Tu te faisais boxer par les filles. Voilà. Et par la musique. Un peu tout ça. Ok. Mais t'es un gars de fête ou au contraire, de moins en moins Si je suis Un garçon de fête. Ah non, j'aime pas ça. De fête. De fête. Ah, de fête, oui, toujours. Mais non. T'avais compris quoi? Oui, mais de fête. De fête, ça veut dire quoi, de fête? De combat, en anglais. Combat. Non. Ok, ouais, fête, ouais, ce qu'il veut. De fête, oui. Bah oui, je suis un festif, évidemment. Maintenant, après, on vieillit, c'est pareil, on se calme aussi, on s'ennuie. On sait très bien qu'on va avoir mal à la tête le lendemain pour une soirée de merde, on va se faire chier. Ok. Alors, si c'est pour se faire chier, vaut mieux rentrer. Ok, mais si c'est bien entamé, t'es devant des bons copains. Un pied dehors, deux pieds dedans. Ça, c'est une phrase à moi. Un pied dehors, deux pieds dedans. Okay. Ça, si dès que j'attaque, c'est fini. Okay, ça finit tôt le matin ou de. Là, la tête n'est plus. Ah, c'est parti, on est en pleine forme, c'est parti. Donc, c'est tout ou rien. Okay. Mais quand je sors moins, parce qu'avant, je sortais, mais je sortais un jour. Là, le lendemain, j'étais fracassé. Okay. Le surlendemain, je travaillais, je ressortais le soir. Le lendemain, j'étais. Voilà, je sors moins, je travaille un peu plus. Hey, mais je trouve ça intéressant parce que tes œuvres sont un peu comme ça. Hein. C'est de l'extrémisme. C'est aucun compromis, non. Ah non. Et c'est ta ligne médiane. Tout ou rien, à fond. Toujours. Je suis depuis petit, début, toujours. Depuis bien sûr. Ah oui, pas de concession. Pas de concession et pas de pardon. Pas de pardon. On y va à fond. La vie est unique. C'est ça. Il n'y a pas de reprise. Ah non. On rewind pas pour... On rembobine pas. Non, merci. On rembobine pas. Je n'ai pas trouvé un terme français, moi j'ai dit un terme anglophone. Tu utilises un terme anglophone, tu dis rewindé au Québec? Non, mais je voulais dire quelque chose pour être compris instantanément. Et tu m'as... On rembobine. Bravo, rembobiné. J'ai 10 phrases et tu peux délirer, c'est libre. Le rosé est là, donc... Okay. Le rosé est là, tout va bien. C'est ça. Si tu étais un liquide... Si j'étais un liquide, un grand vin rouge. Ah, lequel? Ah, je sais pas. Je les aime. Il y en a tellement des bons. mais du vin rouge. Ouais. Okay. Le sang du Christ. Et le sang du Christ aussi. Oui, amen. Voilà, si je prends une bonne gueule de bois le lendemain, le sang du Christ, il t'a fait mal à la tête. Oui, hein. Oui, mais le Christ peut être dangereux aussi, c'est comme le reste. Hein. Tu vois, le Christ est à consommer avec modération. Oui, oui. Et comme je dis souvent, la modération a bien meilleur goût, mais le goût n'a pas de modération. Je suis bien entièrement d'accord avec c'est toi. C'est bon, hein. Ouais. C'est une belle bravo. Tournure. Ouais. C'est bien. J'ai pas de droit d'auteur, donc tu peux l'utiliser. Non. Ah, non, okay. Ah, non, moi j'ai un droit moral, psychologique, interne. Ah bien, ok. Alors si tu étais une ville. Une ville mm. Ah la vache. La vache, c'est où ça? En tout dépit. Je ne sais pas. Très sincèrement, j'en sais rien. Okay. Ça dépend des jours et ça dépend des semaines. Est-ce que tu as voyagé? Oui, alors tu vois, je peux être la Havane comme je peux être Paris ou Corse, ou je peux être Ajaccio ou ouais, mais la Havane j'aime bien, Paris j'aime bien Miami, j'aime bien, je connais pas encore Québec, mais je peux être Québec aussi. Ouais. Moi j'aime les villes en général, elles ont tout un truc à elles, tu vois, les villes, une ville c'est comme une femme, une ville c'est une entité, c'est hein. Et tu fidèle? J'aime toutes les villes. Si tu étais. Non, il y a des villes qui sont plus moches que d'autres. Oui. Bah oui. On n'y revient pas. On n'y retourne pas. Des fois, on y va par erreur. Oui, c'est ça. Voilà. Restons dans la métaphore. Ah, trop de rouge, trop de rouge. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a Eddie Mitchell qui disait là-dessus, à la fin de la soirée, il n'y a plus de laide ou de belles filles, il n'y a que des filles. Moi, j'ai une autre formule. Hein, c'est, ça, c'est à 10h, elle est moche, à minuit, elle est sympa, à 2h du matin, c'est une princesse, à 4h, t'es amoureux, et à 8h du matin, tu te demandes ce que t'as foutu comme connerie. C'est meilleur celle-là, je trouve que c'est Eddie Mitchell. Elle est violente celle-là. Oui, oui, elle est criante de vérité. À 2h c'est une princesse, à 4h c'est amoureux. Hein. Ça, et à 8h du mat ou 9h tu dis qu'est-ce que je fous là, putain de merde. Là ça revient. J'ai encore merdé. Oui, si tu étais si tu étais une langue. Ah le français parce que c'est plus facile pour moi. Ok. Mais tu parles plusieurs langues? Mal. Je parle mal le français, je parle mal. Bah non, bah, voyons. Mais en parlant, c'est, tu me disais que tu parles mal le français, les sculptures vont remplacer les mots, vont moi, par exemple, tu sais, j'aime pas en parler. Hein, quand les gens me demandent des trucs dans les vernissages ou des trucs, je dis démerde-toi, tu vois, elles sont là, elles sont sans moi. Ok, toi, tu l'as fait, donc c'est aux autres de comprendre ce qu'il y a à comprendre. C'est eux à se démerder. Ok, ils se démerdent. Mais toi, elles sont là. Les objets sont là, les poteaux sont là. Il y a toujours des sculptures, par exemple, dans un musée ou une galerie ou un machin, tout ça. Dans un lieu, on va dire fermé, il y a toujours des photos qui répondent à des sculptures, qui répondent à des dessins, etc. Ça, c'est un jeu entre les choses comme ça. Il y a un parcours. Et les gens, bah, c'est à eux de le vivre ce truc-là. C'est pas à moi à leur expliquer, à leur mâcher, quoi, tu vois. C'est pas des oisillons, non. On va pas leur donner. Je vais pas leur dégueuler dans la bouche des asticots. Mm-hmm. Voilà, ils se démerdent. Okay. Et, toi... Et puis après, il y en a dont c'est le métier de raconter des conneries. Ah ouais, ça, ouais, ouais, ça, c'est les critiques, on appelle ça les voilà, critiques. Ouais, voilà, mais j'ai dit c'est leur métier de raconter des conneries. Hein. Robert Charlebois disait c'était des ratés. J'aime beaucoup Charlebois. C'était des ratés sympathiques. Ouais, voilà, ben, en général, c'est souvent c'est ça. Des ratés ouais. Ouais, oui. Les artistes ratés, tout comme ça, évidemment. Toujours. Oui. Et là, j'ai été parti dans la chanson parce que c'est ordinaire, la chanson ordinaire. Il dit ce sont des ratés sympathiques, il faut rester jeune et fou. Voilà, c'est lui, c'est Robert Charlebois. Mais toi, lorsque tu prépares une œuvre, tu sais ce que tu veux dire, tu sais ce que tu veux amener comme propos et les autres. Moi, je suis un feignant efficace. Ok, c'est-à-dire. Les gens croient que je ne fais rien, mais la tête elle tourne pendant ce temps très très vite, là, là, et quand c'est prêt, c'est prêt. Et là, tac, 1, 2, 3, c'est fait, on n'en parle plus, voilà. Alors pour toi, les antidépresseurs, faut pas, parce que ça ralentit les antidépresseurs. Ah non, je ne m'intéresse pas, moi. Antidépresseurs, un verre de vin rouge. Ok, ouais, c'est une boîte de... Si tu étais... Pour parler crûment, un antidépresseur... Une fille qui s'occupe un peu de toi, ça y est, t'es détendu. Hein. Voilà, oui, effectivement. Moi, j'appelle ça une masseuse. Mais... Voilà, si j'allais dire un bon massage féminin. Ben voilà, si tu étais une époque. Si j'étais une époque. Ah, c'est comme les villes, hein. Elles sont toutes leur intérêt. Hein. Tu vois. Alors, il y en a pas. Ça dépend de la vie que tu as dans quelle époque. Non. Mais j'aime bien le Moyen-Âge aussi, pour sa cruauté, pour... Le Moyen-Âge, c'est quand même un truc qui dure 1000 ans, qu'on a appelé le Moyen-Âge parce qu'on savait pas trop quoi en faire. Oui, oui. Mais il y a quand même beaucoup de choses dedans, c'est très riche, tu vois. Donc ça, j'aime bien. Mais j'aime bien mon époque aussi. Elle est plus dure que d'autres, mais elle est plus facile que d'autres aussi, tu vois. Elles ont tous leurs inconvénients, leurs avantages. C'est comme les villes, la métaphore des villes de tout à l'heure. Est-ce que tu puisses dans plusieurs époques, ou au contraire, tu veux te révéler dans la tienne? Ah non, moi, je me plaque pas vraiment dans la mienne. Je m'en fous un peu. Je cherche pas dedans. Je cherche pas à suivre la... mon époque vraiment à fond. J'essaie d'être vivant où je suis, à l'endroit où je suis. Tu cherches rien? Non, je cherche pas, je laisse couler. Justement, j'essaie pas de faire des analyses, parce qu'à la fin, tu fais une heure et tu la regardes, c'est quoi, 1 + 1 = 2, mais ça on le sait déjà, tu vois. Intuitif les choses, l'intelligence intuitive là, ça peut pas être un truc calculé, maîtrisé complètement, faut maîtriser la réalisation pour arriver à aboutir au sens que tu veux, mais pas vouloir maîtriser tes propos parce que tu les réduis. Est-ce qu'il y a des œuvres qui te surpassent, qui te dépassent? Ça arrive, c'est merveilleux. Oui. Ah ouais. Après plusieurs années ou une fois que c'est terminé? Quand tu la poses, quand tu t'en vas au café, quand tu reviens, elle est autonome, elle est toute seule, elle te dit va te faire foutre connard qui est comme les autres, ça c'est le pied. Ça arrive rarement. Il y en a qui c'est jamais arrivé, j'en suis sûr. Moi, ça m'arrive de temps en temps avec une qui s'élève toute seule, qui se dégage comme ça, comme la Grande Couronne, la voiture de Jacques Mesrine à la Biennale de Lyon, comme un beau Beretta qui est posé comme ça, boum, comme, tu vois, la Kalachnikov de La Havane. T'as des trucs comme ça qui t'échappent de temps en temps. Je sais pas pourquoi, la pièce, elle vit, elle est toute seule, et je te dis, tu vas au café, tu reviens, elle te dit, va te faire foutre, connard. Et ça, vibres. C'est merveilleux. Et tu vibres. Ah ben tu bandes là, c'est le pied quoi. Okay. C'est émouvant aussi, tu vois. Je te dis j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai encore fait quoi. Qu'est-ce que j'ai réussi encore à faire comme truc de dingue. Et c'est quand tu vois ça que tu te dis j'ai ma place artiste. Ah oui, tu vois, la pour en revenir à la Grande Couronne dans l'église, là je me suis dit au Caravage, il serait arrivé, il aurait fait putain il est bon celui-là, comme sculpteur. Est-ce que tu crois en toi ou si tu es le mec qui doute constamment? Est-ce que tu crois en les toi? Deux. Okay. Les deux. Okay. Il faut douter pour croire en soi, et ouais. Croire en soi, il faut douter. Ouais, c'est moi, je pense que, ouais, parce que si tu es trop sûr de toi, bah, t'avances pas, et si tu doutes toute la journée, tu fais rien. Ouais. Si tu te doutes trop, tu fais rien. Est-ce que je te l'ai demandé si c'était un mot, non hein? Un mot? Oui, je te l'ai pas dit. Connard. Connard, ouais, il est blanc. Je sens. Un café serré. Non, merci. Un café normal. Non, pas de café. On va laisser aller le rosé. Mais on va pas bousquer. Donc, un mot, je sais pas, ouais. Ouais, c'est pourquoi bien. Pourquoi c'est instantané, ça veut tout dire, c'est un peu comme tes œuvres. On n'a pas à réfléchir, c'est là, ça. Ouais, ouais, je sais pas, tu me dis un mot, c'est sorti, connard. Ah, ok, ben bravo. Si tu étais, alors je suis un connard, si tu étais un aliment. Un aliment? Oui. Ah, j'ai failli dire de la merde, dis donc, okay. Mais c'est pas vraiment un aliment, hein. Ouais, pourquoi pas. Un aliment, tous les aliments, tous les aliments. Il faut vraiment que j'en choisisse un. Non, mais McDonald's en sert quotidiennement, donc c'est de la merde. Si j'étais un aliment, quoi? C'est de la merde, McDonald's en sert. Mais tout ce qu'on mange, tout ce qu'on bouffe, ça devient de la merde à la fin. Donc tous les aliments se résument à être de la merde. Je vois pas pourquoi finalement on mangerait pas de la merde directement. Ok, alors un bon Big Mac. Alors ça, c'est vraiment de la merde. Non, ouais, c'est ça. Non, plutôt un bon fromage, alors. Lequel? Lequel? Ouais. Fromage de brebis, fromage de chèvre. OK, il n'y a pas de nom. Mais parce que ça va bien avec le vin rouge. C'est vrai. Et le rosé aussi? Ben, le rosé, c'est plus un truc d'été, ça. Ça va avec les salades. Ah oui, et les jeunes filles. Mais si je suis une boisson, je suis du vin rouge. Alors si je suis un aliment, plutôt un fromage de chèvre, ouais. Ah, mais c'est avec vrai du que bon pain. Rosé et jeune fille, ça va bien ensemble. Rosé et jeune fille, ça va bien ensemble. Ah, là, il faut rajouter glaçon alors. Oui, bon, ok. Si tu étais. Okay, mais il ne faut pas que ce soit la jeune fille qui soit un glaçon. Non. Okay. Non, non. Si tu faut lui glacer son verre. Oui, oui. Si tu étais une saison. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. L'hiver? Je serais. Si j'étais une saison, je serais les quatre saisons. Qui chante ça? C'était une femme, non? Gilles Vigneault. C'était Gilles Vigneault. Ben alors, j'allais dire toujours, Gilles Vigneault. Je voulais que tu me dises si c'était une femme ou non. Je voulais pas que tu me donnes la réponse. Excuse-moi. Parce qu'il me semblait que c'était Gilles Vigneault, mais. Mais il est toujours vivant. Ouais. Il fait des spectacles. Il revient d'un spectacle français, là. Il y a tout 2-3 mois. 83 ans. Ça, c'est les grands stars québécoises, françaises des années 70. Oui. Ah, 60, si. 50, 60. Ah ouais. Ouais. Joe Montferrand. Si tu étais un membre corporel. Un quoi? Un membre corporel. Un membre corporel m'habite. Ok, pourquoi? Parce que je l'aime bien. Ok. Si... Non, mais il y a une relation intimiste entre vous, donc... Voilà. Si vous étiez un moment de la journée... Un moment de la journée, vraiment pas le matin. Mais là, est-ce qu'on est le matin? Pourquoi, là? Il est quoi, 13h? Là, on déjeune, ça va, là, on est relax. Ok. Je serais plutôt... Il est 13h58. Un moment de la journée, je serais l'heure du dîner. Ok. Pour la... Pour la pause. Ouais, okay. La fin, quoi. La fin. Ouais, voilà, ça y est, peinard. Et non pas FIN, parce que t'es contre la fin. Non, peinard, peinard, ouais, peinard. La fin de la journée, ouais. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Au lieu de Philippe Perrin, un autre individu, ce serait Perrin Philippe. Perrin Philippe. Voilà. Et qu'est-ce qui se cache derrière... J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, moi. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le Perrin Philippe qu'on ne trouve pas devant Philippe Perrin? Ben, c'est le même à l'envers, c'est le miroir. C'est le Verlan, c'est le côté Verlan de tout. Rimpé Lipfi. Lipfi Rimpé, je sais. Oui, exactement. Je sais pas, non, mais il y a des gens qui aimeraient quelqu'un d'autre. Ouais, tu vois, moi, je suis bien comme je suis. Il y a des trucs que je peux me reprocher. Il y a des trucs que je me dis, dans mon passé, j'aurais pas dû faire si j'aurais dû. Mais je m'aime bien quand même. Donc voilà. Et puis, je suis pas un fan des autres, donc j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Tu es un fan de toi? Je suis pas un fan de moi non plus. Okay. Ah non, non, surtout okay. pas. Non, ouais. Non, faut rester dans l'humilité, mais je suis bien comme je suis. Okay. J'ai pas envie de quelqu'un d'autre. Je me digère. Tu te digères, c'est bien. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Oui. Oui, avec toutes les mêmes conneries. Oui, parce que en même temps, il est drôle. J'aurais pu faire plus, mais j'aurais pu faire moins. Tu vois, donc voilà. Il y a un truc vraiment que je ferais pas si je revenais en arrière, c'est fumer des clopes. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment une connerie. Okay. Ça te défonce la santé pour rien. Ouais. C'est vraiment un truc de camé dépendant débile. Ouais. Mais sinon, on ne changerait rien. Okay. Et tu t'acceptes comme tu es. Ouais, ouais, même avec ma cigarette à la main. Tu as des projets à venir? T'as-tu des méga. Des propositions? Ouais. Ouais. Mmh. Est-ce que tu peux en parler ou tu veux attendre? Non, là, il y a une exposition un peu historique, même très historique, à Nice, à la Villa Arson, qui a commencé le 30 juin, qui est la performance sur la Côte d'Azur des années 50 à maintenant. Donc d'Yves Klein à Ben, en passant là, en finissant sur des trucs à moi. Apparemment, je suis très présent dans cette exposition, des archives, des choses comme ça. J'ai un truc de groupe, une exposition qui s'appelle Bang Bang. Je suis un peu la vedette de cette exposition de groupe dans un Kunstverein à côté de Zurich. Là, dès début septembre. Non, non, c'est des expositions de groupe. Il y a des personnels, des expos de groupe. Les expos de groupe, je les choisis, les personnels aussi. Moi, je suis pas un adepte de faire beaucoup d'expositions. Je veux les faire juste. Eh bien, voilà. Okay. Bon. Pourquoi? Une personnelle par an ou deux, ça suffit. Oh, mais qu'est-ce qui t'emmerde dans ce... Trop de travail. Ah oui? Pour ce que ça rapporte? Non, mais après, tu bâcles. J'aime pas ça. OK. Parce qu'il faut que tu rendes à terme le projet, donc quelquefois tu es en retard puis tu veux... Non, mais j'ai pas envie de faire de la merde, j'ai envie de faire les choses avec réflexion correctement, tu vois. Puis je trouve que c'est après ça devient vraiment un business d'épicier, quoi, de vouloir en faire trop tout le temps. C'est pas cette vitesse-là, faut pas faire les choses comme ça vite et en faire plein et tu vois, et toujours les mêmes choses. Après tu t'égares et tu fabriques, tu fais des objets à vendre, tu fais pas c'est plus des réflexions, tu vois. Es-tu un mec insatisfait au contraire lorsque tu as craché ou parce que tu as remis l'œuvre, tu... En général, je suis content parce que je fais pas les œuvres que j'aime pas. OK. Mais tu dis j'ai plein d'idées. Non, mais j'ai souvent des idées que je trouve super sur le moment et puis en réfléchissant un peu quand même, je la trouve à chier et je la fais pas. Okay. Alors qu'il y en a qui font quand même et qui essaient de les vendre, tu vois. Donc en général, je suis toujours à peu près content parce que c'est je te dis, c'est le cerveau qui tourne à un moment et quand c'est prêt, je la fais. Okay. Voilà. Donc ça peut prendre 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais ça comme ça peut prendre une semaine, on s'en fout. Okay. Mais quand c'est prêt, c'est prêt. Et c'est prêt, donc j'ai pas de regret dessus. Okay. Il y a toujours le savant mélange d'efficacité, de provocation, de qualité de l'objet, de la beauté, de la séduction, tu vois. C'est un peu ce qui résume ton œuvre, hein, c'est ce qui résume. Ouais, mais en même temps, c'est tous les adjectifs à la fois, je viens de dire. Donc si ça résume, on est large. Mais tu peux pas vivre sans provocation. Ben, c'est pas provoquer, c'est pas. Non, mais alors moi, les provocateurs, je trouve ça con. Ben, provoquer des réactions, c'est important. Ok. C'est plus dans ce sens-là. Mais c'est ça une œuvre, c'est de provoquer. C'est provoquer la réflexion, faire réfléchir les autres. Tu vois? Mais faire réfléchir. Sur la société. Pour adapter à ça, tu réfléchis, donc tu veux qu'il y ait le même cheminement pour le public. Pas forcément le même que le mien, mais qu'il se pose des questions sur. Quand il rentre chez lui, j'ai pas envie qu'il ait oublié. Il faut qu'il se soit posé des questions. Si j'arrive à amener une petite pierre à l'édifice de la réflexion, c'est pas plus mal, tu vois? Je pense que. Une œuvre, ça doit pas être juste un objet commercial de séduction décoratif dans un appart de luxe, qu'il faut que ça amène quand même quelque chose, quoi. Ouais. Est-ce que tu crois avoir placé dans l'univers artistique ton grain de sel ou tu t'en fais éperdument de ce que tu vas laisser? On s'en fout jamais. Ce serait une fausse humilité de dire qu'on s'en fout. Okay. Maintenant, oui, je m'en fous. Okay. Le jour où t'es mort, tu t'en fous. Oui, mais là, c'est comme des bébés, t'as pas envie qu'ils meurent avec toi. Non. C'est comme des enfants, les œuvres, donc t'as envie qu'ils restent vivants. Okay. Donc t'as envie que le jour où tu meurs, t'as envie qu'ils vivent encore chez d'autres gens, quoi. Et qu'ils soient le plus actuel possible, parce qu'une œuvre. Il y a des choses qui vieillissent très mal, comme des films, comme des musiques, des œuvres aussi. Est-ce que tu mises. Je ne mise la vie pas. Non, mais est-ce que tu. Je ne calcule pas, je l'espère comme tout le monde. Ça voudrait dire que c'est un travail de qualité, si ça tient. Mais ça, c'est que le futur et l'avenir qui peut le dire. C'est pas moi, c'est même pas toi, c'est même pas. On verra dans 20 ans, dans 30 ans, je ne sais pas. Est-ce que des choses que tu as fait il y a 20 ans qui fonctionnent plus? Non, elles tiennent le coup. Toutes tiennent le coup. Ah ouais, ça tient la route. Il y a 2-3 conneries, oui. Il y a 2-3 trucs qui vieillissent pas, c'est normal. Mais en général, le cheminement est assez bien. Ça suit son truc. Non, je trouve ça pas mal. Quand tu regardes le bouquin que je t'ai filé, il y a des trucs de boxe et machin, ça s'enchaîne. C'est plutôt propre, je trouve, tu vois. Et tu es fier de ton parcours? Je suis fier de ce que j'ai fait, en fonction de mes racines familiales, etc. Déjà. Et tes racines, c'est Les banlieues de Grenoble, les familles d'ouvriers, tu vois, c'est pas évident d'aller aux Beaux-Arts, de faire des trucs en province. Voilà, donc je suis déjà fier d'avoir réussi à faire ça, puis je continue, je suis fier de ce que je vais faire à venir. Et toi, juste le fait d'avoir été un peu plus loin que tes ancêtres, te plaît beaucoup? C'est sympa. Oui, oui. C'est l'évolution d'une famille aussi. Oui. Non? Oh oui, effectivement. Voilà, puis c'est la fierté de mon père aussi, de ma sœur, tu vois. Ils sont toujours. C'est important que ton père et que ta sœur soient fiers de ce que tu fais, de tes trucs. Et ta sœur fait quoi? La famille, c'est sympa. Elle s'occupe elle fait de la psy pour les gosses. Ok. Oh, ex-psychologue. Pas facile. Non, évidemment, je suis son cas préféré. Surtout un éternel enfant, ça donne beaucoup de jus à. Exactement. À sa sœur. Ça donne de l'eau à son moulin. We'll be right back. Les matins se suivent, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on était parfait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait. C'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a ensemble chose à se dire qui tiennent trop au cœur pour si peu de temps. On sait aimer comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Voici Daniel. Oh, Dieu, qui quelquefois se passe un peu trop bien. Daniel part. Solo. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. Ah oui, premier rôle. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. Ça va bien, mon Daniel, hein? C'est pas facile de se dire adieu, mon ami. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être, demain ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. Ah non, y'a rien de perdu, mon Daniel. De ce moment inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Quelquefois se passe un peu trop bien. C'est bien. Oh là là. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre est de celle qu'on n'écrira jamais. Alors petite, il faut partir. Laissez ici le souvenir. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café, ah oui, va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Quelquefois se passe un peu trop bien. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. On disait que quelquefois ça se passe un peu trop bien. Oui. Cette semaine, les sujets du épuisement du concept nous mâcheront, squeezeront, éplucheront, déshabilleront, poursuivront, élèveront à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle. Comment ça? Non, mais attendez, c'est passé quelque chose avant. Les gens ne le savent pas, mais on le dira pas. Mais il coule pas, mais il coule pas, mais il coule pas. Comme on dit en latin, « Ius cascas tapitum » Yoscale Tamenum. Ça, c'est pas de moi, ça, madame. Le crédit va à Yvon Deschamps. Cette semaine, et ça, je suis plus pendu. Je devais me moucher avant, madame. C'est ça le petit problème qu'il y a eu, là. Puis si je renifle là, au micro, c'est pas très, très gentil pour le public et je sais que ce n'est point poli. Comme me disait mon ami Daniel, si tu n'es pas joli, tu n'es pas joli. Les gens s'attendaient. Arrête de parler, Gaétan. Il va dire quelque chose d'intelligent. C'est réel. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Cette semaine, et ça, je suis plus... C'est ça, là, on y va, on enchaîne. Jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons des abirons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « action ». Et là, c'est un... Au cinéma, c'est de l'action, là. On veut pas de la réflexion Woody Allenienne. Allez qui? Allez, les mots passés et arrivés à conclure pour qu'il se passe quelque chose dans ce film-là. Là, c'est... Il l'a quitté. Elle est seule dans sa chambre. Elle regarde les photos de leurs anciens amours. Puis là, ce qu'on attend, c'est le téléphone qui sonne pour qu'il y ait de l'action, là. Pour qu'il parte avec sa bagnole pour en arriver chez elle, monter les escaliers en colimaçon, tomber, remonter une autre fois, retomber, puis elle monte sur la galerie. Et là, un moment rigolo, pour ne pas dire ridicule, arrive devant le spectateur. Oh, ils vont se rencontrer encore une fois. C'est un amour indélébile. Débile. C'est du cinéma débile, ça, madame. Autant que le cinéma d'action en général. Quand c'est signé Scorsese, là, tu peux t'attarder un peu, dire... Là, on va réfléchir sur quelque chose, là. Un moment de notre histoire, de notre société. On va zoomer sur l'actualité, sur quelque chose qui nous est un jour arrivé. Un jour, toujours. Non, je fais la conjugaison dans ma tête. Ah, mon Dieu. Mais là, j'ai fermé les portes là-dedans parce que ça réverbérait. Mais là, quand ça réverbère, oui, monsieur, quand ça réverbérait, je me sentais très français puisque je sentais le béret réverbérer. Ah, ça, là, c'est de la calomnie intellectuelle, madame. Ouais, mais c'est Rita qui m'a dit ça, hein. Elle me souffle les mots. Et puis? Ben, il n'y a pas d'idée là-dedans, là. Elle me fait juste souffler les mots. Oh! Fait que là, on demanderait, ici à gauche, de souffler autre chose que les mots. Souffler les gags, les blagues, là. Les connivences intellectuelles pour pas arriver devant le public puis que celui-ci nous regarde en disant « Ouais, c'est bon, hein? C'est bizarre, mais c'est bon. C'est vide de sens. C'est comme mon appartement actuellement, là. Je déménage. Il reste plus une boîte. Il reste plus une chaise. Il reste plus un ameublement. » On appelle ça comment en comptabilité, là? Matière roulante? Non, c'est matière fécale. Non. Ameublement roulant. À 17 ans, là, je faisais des études en comptabilité, moi, là. Matériel roulant. Matériel roulant, crédit. Mais je suis humilié, bidon, moi. Pas de crédit, pas de marginalité, madame. Non. Si vous ne me donnez pas de mensuel, pas de résultat, là. Ashtray, please! Ashtray, please! Ouais, mais il n'y a pas d'ashtray. Ashtray! Oh, c'est vrai, c'était une école commerciale anglaise. Donc, on devait apprendre l'anglais. Moi, je connais le mot ashtray. Ashtray! Moi, je pensais qu'astray, là, le lendemain, je suis revenu à l'école. Monsieur le directeur, monsieur Mito, je suis maintenant castré. Hein? Mais non, ça, castré! Vous disiez hier, castré! J'ai pas dit castré, j'ai dit astré, please! Oh mon Seigneur! Ah non, j'aurais plus d'enfants, vous là, c'est de votre faute! Mais voyons, c'est à vous de manipuler la manipuler. Ça va bien, vous? Émilien? Pas de mensuel, pas de résultat, Émilien? Allô? C'est Rénal! Ça va? Parle plus. Hey, là, il y a de l'action, là, hein? On s'imagine souvent que c'est des voitures qui sautent, c'est des bombes qui tombent. C'est ma femme qui m'appelle en disant... T'es à quel endroit, toi, là? Il est 3h du matin. Là. Les enfants vont s'élever à 5h30. Il n'y a pas de lait, là. Va acheter du lait, mon laiton. Va. Puis après ça, tu vas sortir d'ici. Moi, je me suis préparé, là, regarde. sors pas, ma plaque police. Fini tes affaires, il est 3h du matin. T'es où? Mais je suis au travail, je fais des heures sup. Des heures sup, prends-tu pour... Non, je te prends pas. Non, mais je sais que tu me prends pas, c'est 3h, tu me prends plus. Je suis perdu, je fais comme l'oiseau. Je y vais, je viens comme l'oiseau. Tu es cocu, mais cocu, mon coco. Et tu sauras qu'un jour, il est plus beau d'aller en haut. Se laisser sur l'eau. Merci d'être passé à mon émission. Mais c'est un gars mais exceptionnel. C'est un très grand plaisir, mon cher Rénal. Mais t'es un personnage en soi. Le Rénalien, Rabaldien, de passage à Paname. À Paris. De passage à Paname. Paname, oui, monsieur. Eh bien voilà, c'était Rénal, ben de non, passage à Paname. Non, mais c'est toi. Ah, c'est moi? Ben oui. Ou c'est toi? Ben non, c'est toi le promeneur. Oui, oui, mais c'est toi qui est sur la sellette. Ah, moi, j'étais juste de passage là, sur ta route, dans tes errances, oui. Rabaldienne. Ah oui, Rénaldienne. Rénaldienne, je sais. Ok, ben là, je vais te remettre toujours sur le chemin. Ben non, merci d'être passé. Hein. Eh bien, merci à toi. Puis on va aller... Est-ce que ton livre est disponible au Québec? Je n'en ai aucune idée. Il était diffusé, normalement... Normalement, il était diffusé en France dans les FNAC, les trucs comme ça. Et après, je ne sais pas si c'est... Parfait, ton site officiel, on peut voir beaucoup d'œuvres. On peut, ouais, mais je pense qu'il se commande sur Internet, ce bouquin. Ok, ok. Alors, ouais, il s'appelle, comment? Il s'appelle Always the Sun. Toujours des noms en anglais, parce que c'est les références à des chansons rock'n'roll aussi. Ben, Louis Hessen, c'était les Stranglers. Philippe Perrin. Philippe Perrin, Louis Hessen. C'est ça. Édition. Aux éditions Addante. Hey, c'est bon, t'es vraiment un très bon publiciste. Voilà. On sent toi, l'homme qui veut. Ben non, ben je. Ah oui, oui, tu suis là, toi. Je vais maintenant, tu vas t'en aller, je vais continuer l'émission radio à ta place okay, et interviewer merci, les gens qui passent. Okay, merci, Rénal. À la prochaine. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc nous sommes en direct de. Enfin, en retransmission, pardon. Ben oui. De Montmartre à Paris. J'attends maintenant l'invité suivant. Et c'est la frite. Merci. Merci, mon ami. Salut, Rénal. À la prochaine. Mais il n'y a pas vraiment. Moi, ce qui m'a. C'est... Ça te va? Merveilleux. Ouais. Ouais. C'est bien? Oui. Et ce qui m'a plu, c'est toi. Tu as eu du plaisir? Tu as eu du plaisir? T'as eu, Ah, bah, j'aime bien. Bah oui, on rigole, non? Oui, oui, oui, c'est ça. C'est ah, oui, non, mais moi, je suis comme ça, là. Oh là là. À la bonne franquette. Oui. Ouais. Il faut être relax. Et... Mais moi, je t'ai rencontré avec. Mais avec j'étais Chloé. Complètement bourré quand j'étais. Ah, non, je savais pas. Non, j'étais saoul, je crois. Ah, non, je croyais pas. Il me semble un peu, non? Ah, non. Ça se voyait pas. Non. Non, mais en tout cas, tu étais extrêmement sympathique. Et bah oui, bah oui, moi aussi. Ce personnage-là. Et j'ai fait mon enquête grâce à Internet. Et j'ai dit, oh, ce gars-là a des choses à nous apprendre. Il fait des choses. Il peut amener une errance assez loin. Et la preuve en est. Et donc, je vais t'envoyer le lien de notre discussion. Bah oui, c'est ça. Et t'en fais ce que tu veux. Tu peux mettre ça sur ton blog, tu peux jeter, évidemment, tu peux, évidemment. Tu fais ce que tu veux. Évidemment. Et là, on va donc, toi, quand tu fais. Alors après, tu fais quoi? Tu fais ton émission? Tu fais. Ouais, bah, c'est clac, ça. Clac, clac, clac, clac. Exact. Moi, le but, c'est. Et quand ça passe, on peut la choper, on pense, par Internet. Je te l'envoie sur Internet, oui. Tout est disponible, j'ai un site officiel. Sinon, c'est la radio là-bas, ça passe à la radio, quoi. Ouais, mais les émissions sont trouvables sur Internet, l'intégralité. T'en as pas besoin d'autres, toi, tu vas en manquer après. Non, non, pour des amis, non, j'en ai 5000. 5000. Non, parce que j'en ai amené juste 500 ici, mais j'en ai 5000 à la maison. 5000, oui, exactement. Donc, cette émission-là se veut anarchiste, libertaire et poétique, humoristique. C'est un semblant d'émission. C'est où alors? C'est ça? Ouais, ça c'est la même chose. Exactement. Hey, t'as l'œil. C'est exactement, c'est ça. Errancerenalienne.blogspot.com. Et tu vois là-dessus, tu vas avoir toutes les émissions depuis 7 ans et demi. Et tu vas avoir aussi les vidéos parce que les gens s'imaginaient qu'à mon émission, nous étions plusieurs à collaborer. Mais c'est des personnages qui viennent entrecouper l'émission qui sont faits par moi. Donc pour prouver qu'un seul cinglé devant un micro et que c'est moi. Donc, j'ai dû filmer. C'est pour ça qu'on a toujours ta tête en photo, les machins. Oui, oui, oui, exactement. C'est des mimiques, c'est des trucs assez... Ouais. Et comme toi, il faut y aller à fond. Évidemment. Non, mais c'est bien ton truc de se balader. Et où tu vas? Dans quel pays tu vas quand tu fais des trucs? En France, toujours en France, Les pays francophones. Paris. Toi, c'est Paris, Québec, Paris. Ben, c'est parce que je vais à l'endroit où les artistes se trouvent. Hein. Ouais, et il y a ça aussi. Ouais. Ici, Paris, c'est une vie. Ouais. Ben, l'artiste qui veut percer, il va à Paris, il ne restera pas à Nice, il va pas à Nantes, à Marseille. Non, non, mais je pensais, il y a Bruxelles. Ben, l'année prochaine, je vais aller à Bruxelles parce que je veux rencontrer. Il y a Bruxelles, il y a Genève, mais bon, c'est chiant, Genève. Oui, mais je vais aller à Bruxelles parce qu'il y a Bruxelles, trois... c'est plus intéressant. Oui. Genève, ça ne sert à rien. Il y a Lucienne Bachoum que je veux rencontrer là. Et il y a aussi. Ah oui, le fils, ouais. Non. Non, un musicien Bachung? Non, un musicien qui a travaillé avec Bachung. Ah. Un bassiste qui est un ami de Yann Pechin, que tu connais sans doute. Yann Pechin, guitariste. Ouais, ouais, ouais, avec les cheveux longs. Là. C'est ça, ouais. Tout le monde le connaît grâce à ses cheveux. Très mieux découpé. Ah, mais le talent est là. Oui, le talent est là, à la gratte, ça c'est sûr. Hein. Bon, et un guitariste sans cheveux, c'est pas un guitariste. Thank you. Steve Jobs, 18 years of age, a brilliant cat burglar. I nominated him guitarist. Cook, 17 years of age, a phenomenal acrobat, in a one condition, always on time, he had to provide the beat. Put the ring in the ass! The shop, I noticed his Dickensian figure. Had it not been for his green hair, I'd have thought him something out of David Copperfield. I took the opportunity of confronting him. He pretended to think me an idiot, pushed me aside when I learned he's Irish and Steve saw his green teeth. We call him Gianni Rotten. To the outside.